Est-ce donc ceux-là au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde ? Entrez au paradis, vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés.